Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est parti pour une demi-heure de disco funk et pas que. Pour la découverte du jour, on va écouter Lilo Thomas et son Never Give You Up. Paru en 1984 sur le second album du chanteur, All of You, le titre ne sortira même pas en 45 tours. L'album sera classé 9e. Le chanteur, il est né en 1961, il va travailler avec Elvin Champagne King, George Benson, Melba Moore et James Ingram, que du beau monde. Il est toujours actif et son dernier album date de 2010. Son plus grand titre sera I'm in Love, qui fera l'objet, je vous le promets, d'une pépite. C'est parti. En ce 9 mars, dans deux jours, on se souviendra de Claude François qui nous a quittés il y a plus de 40 ans. On va lui rendre un double hommage car il a contribué à l'essor du disco en France et pas que. Une valeur sûre pour commencer, Magnolia Forever, paru en 1977 et issu du 25e album du chanteur. Les paroles sont d'Étienne Rodagil et la musique de Claude François et Jean-Pierre Bourterre. Elle est sortie en 45 tours en novembre 1977 et sur l'album Magnolia Forever en décembre 1977. Le single s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires en 1977. Et la seconde, ça sera Karen Cheryl dans un style moins disco mais qui raconte parfaitement la vie des fans de Clo-Clo. Le titre c'est « Je me souviens ». On va voir si vous vous en souvenez. Quand j'entends ces musiques, Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Bon, un petit maxi pour revenir à nos moutons et tout devrait rentrer dans l'ordre. Geraldine Hunt et son Look All Around vont vous donner la pêche, mais c'est sûr. Cet extrait de l'album No Way, paru en 1981, et c'est le petit frère de Can't Fake the Feeling, en moins connu bien sûr. On va réparer ça tout de suite. faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais avant, il y a la pépite. Et quelle pépite aujourd'hui ! Delegation et son Put a Little Love on Me, extrait de leur album légendaire Eau de Vie. Il n'y a pas que l'album qui est légendaire. C'est simple, car il ne contient que des tubes. Darling, Heritage Number 9, You and I, One More Step to Take. Bon, j'arrête là et je vous laisse déguster. C'était en 1979 et ça donnait ça. Love on me. Oh. Il est temps de se quitter. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, pour une émission spéciale. Ça va être la 100e de Dr Disco et Mr Funk. Et pour l'occasion, on va passer une heure ensemble. Allez, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye bye.